pour les forestiers. Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous offre le F-150 2019 en location à seulement $198 aux deux semaines pendant 48 mois au taux annuel de 3,99%, en plus d'un rabais technologique d'une valeur de $750. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini souhaite aux forestiers un bon mois de l'arbre et de la forêt. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. C'est une nouvelle que j'avais eu vent au cours des dernières semaines, que le Collège d'Alma avait énormément de difficultés à former une équipe de football. La nouvelle n'avait pas été démentie, n'avait pas été non plus confirmée. Quoi qu'il en soit, ben on parle avec... aujourd'hui, on a annoncé que les Génois d'Alma Football suspendaient leur activité pour la saison 2019. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? On en parle avec le directeur des communications au Cégep d'Alma, Éric Benoît. Bon après-midi, Éric. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Éric, écoute, c'est une nouvelle que j'avais eu vent au cours des dernières semaines, que vous aviez énormément discuté à recruter des joueurs, à former une équipe cette année. Et je pense que la nouvelle qui a été confirmée cet après-midi, c'est une nouvelle quand même triste pareille. Oui, c'est une journée assez sombre pour les Génois du Collège d'Alma là, qui ont dû annoncer la décision là, au courant de l'après-midi de suspendre pour la prochaine saison l'équipe de football. OK. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Concrètement, est-ce que ça veut dire que vous allez travailler pour ramener en 2020-2021 l'équipe ou... Tu sais, normalement, quand on passe une année, c'est difficile après ça revenir. Trop tôt pour répondre à cette question-là. On a un comité là qui va se mettre en place puis qui va faire l'analyse de la situation là, et de voir quelles seront les décisions à prendre là dans la prochaine année, mais pas la prochaine saison, mais l'autre d'après. Mais on sait que pour la prochaine saison, là, on suspend question de sécurité l'équipe de football du Collège d'Allemagne. Il manquait combien de joueurs pour former une équipe? Grosso modo, là, on avait au début de janvier là un nombre suffisant de joueurs, mais avec des circonstances là personnelles là, auprès de certains vétérans qui ont changé de programme, d'autres qui ont décidé d'arrêter, avec des recrues qui ont confirmé ou non leur présence, on s'est ramassé avec un noyau de 25 joueurs. Vous saurez que le minimum pour jouer, c'est 24. Ouais. Donc, avec un nombre aussi faible, on se voyait pas mettre en péril la sécurité des jeunes. Et c'est pour ça que la décision a été prise de suspendre l'équipe. OK. Dis-moi, dans les 25 joueurs, y avait-tu beaucoup de Français? Parce qu'on sait que c'est vraiment la pierre d'assise des Français dans le secteur. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Bon an, mal an, là, on avait des Français qui revenaient l'année passée. On avait à peu près 8 Français qui avaient un intérêt à venir jouer avec nous, qui étaient en démarche là, présentement pour terminer là, le processus là pour venir l'année prochaine, qui était le nombre qu'on avait eu l'année d'avant. Là. Donc, on était à peu près au même nombre. C'était pas un nombre supérieur. C'était ce qui était prévu là dans le plan de match de début d'année. Là. OK. Éric, dis-moi, le Collège d'Alma, par le passé, il y avait une technique policière, ça aidait beaucoup à recruter et à faire en sorte qu'il y avait des équipes de football. Est-ce que ça veut dire que cette technique-là, ça paye moins pour l'équipe de football? Est-ce que c'est plus difficile de recruter? Non, c'est pas là qui est la problématique. Si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années là, avec le football, avec le nombre de jeunes disponibles dans les différents bassins de recrutement, on fait juste penser ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, le nombre d'équipes qui ont soit arrêté ou passé de football à 12 au football à 8, ça fait en sorte qu'il y a moins de joueurs de disponibles, autant dans notre région, mais un peu partout ailleurs au Québec, qui fait en sorte que ça a été difficile pour nous cette année de recruter. Puis on joint à ça des vétérans qui, au courant de la saison morte, ont fait des choix différents là ou ont arrêté de jouer, ce qui fait que le nombre est moindre cette année. OK. Est-ce que les joueurs qui voulaient... Est-ce que ça va être possible? Faut vraiment que que les joueurs soient rattachés au Cégep. Les joueurs qui voulaient jouer, que les Genois, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer avec soit les Cougars ou encore les Gaillards? Est-ce que c'est une possibilité? Oui, il y a possibilité. Encore une fois, on va laisser le temps à nos joueurs d'encaisser la nouvelle, si on peut dire. On a communiqué avec tous depuis ce matin. Donc, on est sur des rencontres individuelles qui ont commencé très tôt ce matin pour pouvoir parler avec l'ensemble de nos joueurs. On va leur laisser le temps de réfléchir là, à leur avenir et à voir ce qu'ils souhaitent faire. Et par la suite, c'est sûr qu'on va regarder avec eux toutes les options possibles et pouvoir les aider là pour ceux qui voudront continuer une carrière en football, de voir si c'est possible pour eux de changer de collège. OK. Dis-moi, il arrive quoi avec Jean-Philippe Caron-Tremblay? Parce qu'il avait monté une belle équipe l'année passée. Là. Tu sais, les Genois, c'est vraiment une nouvelle décevante. Parce que les Genois, l'année passée, vous aviez atteint les séries éliminatoires. Il y a de quoi être déçu. Là. Jean-Philippe, il arrive quoi avec lui? Présentement, Jean-Philippe est à l'emploi du Collège d'Alma. Okay. Comme collège, on va respecter là, nos engagements. On s'est engagé auprès de la communauté ici. Il reste du mini-football avec lequel les Genois sont associés. Ben, Jean-Philippe, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'entraîneur en chef des Genois du Collège d'Alma. Donc, il continue à travailler avec nous et on va être en mode là, réflexion dans les prochains jours. OK, dis-moi, est-ce qu'on va travailler quand même à repopulariser le football, à redynamiser le football, parce que c'est une nouvelle quand même plate, soyons honnêtes, c'est parce que le football est en plein déclin, c'est pour ça qu'on arrive avec cette nouvelle-là aujourd'hui. Est-ce que du côté du Collège d'Alma, on va travailler de ce côté-là, essayer de populariser le football puis avoir une meilleure entente avec les Lynx? Il n'y a pas de meilleure entente à avoir avec les Lynx. Je pense qu'on avait déjà une belle entente. On travaillait déjà à la promotion du football. C'était déjà des choses qu'on faisait. Okay. Comme je vous ai dit, là, Jean-Philippe est encore à l'emploi du collège avec nous. Entre autres, c'est ce qu'il fait présentement, de faire de la promotion du football auprès des jeunes, par le mini-football et même par du travail avec les Lynx là, du Collège d'Alma. Donc, c'était déjà dans nos cartons. Oui, on continue à le faire, puis on voit pas pourquoi on pourrait pas continuer. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un jour sombre là, pour les Genois. C'est pas une nouvelle le fun à annoncer. On a fait le tour de la question avant de pouvoir prendre cette décision-là. Mais pour la sécurité de nos athlètes et de nos étudiants, surtout, on n'a pas eu le choix de prendre la décision. Ça faisait combien de temps que les Genois existaient au football? Ça fait plus de 40 ans que les Genois existent. C'est une grosse nouvelle, là. Oui, c'est. Ouais. C'est une grosse bombe, comme on dirait. Effectivement. Éric Benoît, gros merci. Et on espère évidemment revoir les Genois d'Allemagne dans la saison 2020. Merci. Le directeur des communications au Cégep d'Allemagne, Éric Benoît.